The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Fully aware. Conscient. Commitment. L'engagement. Husband. Le mari. Never. Jamais. To cheat on. Tromper. Wife. La femme. In all circumstances. En toutes circonstances. No matter. Quoique. Even if it means. Quitte. To accept. Accepter. Spouse. L'époux. To get married. Se marier. Now, a bit faster. Spouse. L'époux. No matter. Quoique. Fully aware. Conscient. Commitment. L'engagement. To cheat on. Tromper. Never. Jamais. To get married. Se marier. Fully aware. Conscient. No matter. Quoique. Even if it means. Quitte. To cheat on. Tromper. No matter. Quoique. To cheat on. Tromper. To accept. Accepter. Spouse. L'époux. No matter. Quoique. Even if it means. Quitte. No matter. Quoique. Spouse. L'époux. No matter. Quoique. In all circumstances. En toutes circonstances. Wife. La femme. Never. Jamais. Even if it means. Quitte. To get married. Se marier. Now, use the words in context. Conscient. I am aware of the seriousness of his proposal. Je suis consciente du sérieux de sa demande en mariage. Jamais. I would never buy an album by Paris Hilton. Jamais je n'achèterai un album de Paris Hilton. En toutes circonstances. He helped me in any situation. Il l'a aidé en toutes circonstances. Quoique. No matter what he says, I will not change my mind. Quoi qu'ils disent, je ne changerai pas d'avis. Accepter. I agree to buy you an ice cream if you're good. J'accepte de t'acheter une glace si tu es sage. Conscient. I am aware of the seriousness of his proposal. Je suis consciente du sérieux de sa demande en mariage.